temps, sachez mes games purs et pas que mes idées percutantes. Top 40 dans le monde, y'a comme moi, mais c'est mon fuck. Ça c'est sur lui, pop, n'écoute même qu'à l'époque. Ma langue se délie au fond d'un paisible comptoir, comme seul exutoire, un bureau en guise de parloir. Éclairé des bougies, des sigmas plus agiles sous la pratique du jogoni. Des conseillers aux petits comiques, que sont mes idées bien pissées, comme un rutier bien cuisiné. Rien à foutre de ce qu'on pense, trop d'esprit en mode latence. Ils disent que le rap fait à quoi considérablement la délinquance. Mais quelle chance d'arrêter la France. Ma culture perdure sur un propos épais. Je prends le Mac comme un dieu, je suis un bon plein d'idées. J'ai que tu trouveras pas sur les dés, pas de délai. Attends, je les ai jetés sur les rimes et les pétés. Il est rappé, je découpe ces mots tendres dans la hache. Que tu puisses m'entendre, prétendre une opposition. Car en cas de guerre, on n'est pas prêt à se rendre. Ma force vocale va être fatale. P-H-E-N-X sans chaud, le stylo plante le décor. M'inspire les hypocrites, attends-toi à ce que ma franchise soit un coup d'éclat. J'éclate mes nerfs verbalement pour éviter les dégâts. On ose faire le pas avec le sourire aux lèvres. Mon armée telle des militaires, de l'angle surgit du revolver. Ta fausse amitié, offre-la à quelqu'un d'autre. La personne qui tombera de sur un choc au haut niveau. Les côtes pas m'apporte ma réaction peut être immédiate. Bloque sur ma tente, tu repartiras sans des omoplates. Sur le coup, ces directions, les urgences. À force de me sous-estimer, t'en as subi les conséquences. T'auras mon visage à vie, accroché dans ta conscience. J'ai assez de puissance pour te guider dans une réelle ambiance. Sur le cahier d'appel, il y aura aucune absence. J'accentue mon blast, faut que ça devienne une indépendance. Les nerfs à vivre.